Le livret d'accompagnement pédagogique, qu'est-ce que c'est? Ce livret contient une proposition de récit associée à chaque chapitre, une suggestion d'analyse des situations illustrées et des clés pour comprendre les choix graphiques. Quand s'en servir? Vous pouvez le parcourir par petits bouts ou d'un seul élan, avant de présenter le livre dessiné aux plus jeunes, en lecture pendant la découverte des dessins ou après un premier parcours imaginaire.